Avoir se dit avere. A-V-E-R-E. Avere. Comment diriez-vous je veux l'avoir? Voglio averlo. Voglio averlo. Quand se dit quando? Q-U-A-N-D-O. Donc, quand, quando et combien, quanto, la quantité. Attention à ne pas confondre les deux mots. Alors, dites-moi, quand voulez-vous l'avoir? Quando vuole... Réessayez encore une fois. Quando vuole... Non. Vuole. Vuole. Vuole. Le E se prononce E. Vuole. Vuole. Bien. Quando vuole... L'avoir. Averlo. Voilà. Quando vuole averlo. En italien, vous pouvez, lorsqu'on vous voit quelqu'un, se dit può. P-U-O avec un accent grave sur le O. Può. Può, vous pouvez. Et donc, vous pouvez l'avoir, se dirait? Può averlo. C'est ça. Può averlo. Si vous voulez. Se vuole. Bien. Può averlo, se vuole. Et comment diriez-vous si vous voulez l'avoir? Se vuole... Encore une fois? Se vuole averlo. Très bien. Se vuole averlo. Je veux l'avoir maintenant. Pour dire maintenant, on emploie ora. Ora qui veut dire aussi heure. Ora. Ora. Donc, dites-moi, je veux l'avoir maintenant. Si c'est possible. Vuolo a... Non, vol. Je veux, se dit voglio. Voglio. Voglio l'avoir maintenant. Voglio averlo ora. Bien. Voglio averlo ora. Si c'est possible. Et... possibile. Si c'est possible. C'est possible. Si c'est. C'est. Est-ce qu'il faut dire c'est est? Oui, c'est ça. C'est est possible. C'est est possible. C'est est possible. Voglio averlo ora se è possibile. Ora, maintenant, veut aussi dire heure. À quelle heure se dit a che ora. Alors, à quelle heure voulez-vous l'avoir se dirait? A che ora vuole averlo? Voilà. A che ora vuole averlo? Bien. Dites-moi, vous pouvez l'avoir maintenant si vous voulez. Posso. Non, vous pouvez. C'est può. Può. Può. L'avoir. Averlo. Maintenant. Ora. Donc, può averlo ora si vous voulez. Se vuole. Très bien. Se vuole. Se vuole. Può averlo ora se vuole. Alors, on a vu que les mots en able en français se termine souvent en abile en italien, comme probable qui donne probabile ou acceptable qui donne accettabile. Accettabile s'écrit avec deux C qui se prononcent C et deux T que l'on prononce bien distinctement. Accettabile. Alors, comment dit-on Ce n'est pas acceptable pour moi. Non è accettabile per me. Accettabile. Ah oui. Accettabile per me. Non è accettabile per me. Mm-hmm. Donc, je suis désolée, littéralement, ça me déplaît, mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça, se dira. Mi dispiace. Oui, mi dispiace, mais ce n'est pas acceptable. Ma non è accettabile. Pour moi. Permet. Mm-hmm. Comme ça. Così. Così. Très bien, oui. Donc, mi dispiace, ça me déplaît, je suis désolée, ma non è accettabile per me così. Mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Mi dispiace, ma non è accettabile per me così. Et maintenant, dites, je veux savoir pourquoi ce n'est pas acceptable pour vous comme ça. Parce que ce n'est pas trop cher. Commencez par dire « je veux savoir ». Voglio sapere. Mm-hmm. Voglio sapere. Pourquoi ? Perché ? Ce n'est pas acceptable. Non è accettabile. Mm-hmm. Non è accettabile. Pour vous. Per lei. Per lei. Per lei. Mm? Comme ça. Così. Così. Parce que ce n'est pas trop cher. Perché non è troppo caro. Troppo caro. Je veux savoir. Pourquoi ce n'est pas acceptable pour vous comme ça? Parce que ce n'est pas trop cher, se dira donc. Voglio sapere perché non è accettabile per lei così, perché non è troppo caro.